On va commencer. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alahu amma ba'd. Donc aujourd'hui on est rendu où le cheikh explique, yani, c'est quoi les signes qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut savoir est-ce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il a mentionné quelques points pour comme des points de repère pour savoir est-ce que vraiment on aime Allah ou non. Donc il a mentionné comme exemple نعم فمحبة الله لها علامات تدل عليها منها أن من أحب الله فإنه يقدم ما يحبه الله من أعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. Donc, le cheikh, comme premier point, il dit, parmi les choses qui montrent qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsque celui qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va faire précéder ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme action, par-dessus ce que son âme aime, parmi les désirs, les passions, et les enfants, les biens matériels et les contrées. Si on habite dans un pays, bon, si on habite par exemple dans un pays et dans ce pays il y a des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, donc même si c'est notre pays d'origine, ben on doit préférer le pays où il y a l'obéissance d'Allah, où il y a le tawhid, où il y a l'aqida, sunna. On doit préférer ce pays-là par-dessus notre propre pays, même si yani, c'est là qu'on est né. Comme on peut donner comme exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Mecca pour aller à la ville de Al-Madina al-Munawwara ou Al-Madina al-Nabawiya, et donc il a préféré Al-Madina, pourquoi? Parce que c'était là où il était capable d'appliquer l'islam, d'appliquer le tawhid, d'appliquer l'adoration d'Allah, et il a quitté Mecca, yani. Qui fait sa ville natale et qui était en même temps yani, là où il y a Al-Kaaba et tout ça. Donc, yani, ça nous montre qu'on doit passer la terre où l'obéissance d'Allah est appliquée par-dessus l'amour de notre propre pays. Yani. On n'a pas dans l'islam une chose qui s'appelle nationalisme. Yani, que, par exemple, on dit bon, moi je suis d'origine haïtienne, je dis bon, je dois aimer tous les Haïtiens. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'est-ce qu'ils font, et je dois supporter tous les Haïtiens, peu importe qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'ils soient croyants ou non croyants, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe qu'ils soient chrétiens ou voudouisants ou athées ou peu importe. Yani. Donc ça c'est un exemple de nationalisme. Et ça, c'est une forme de nationalisme qui dépasse les limites de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme on avait expliqué déjà, on doit aimer pour Allah. Et quand on dit qu'on aime pour Allah, ça veut dire qu'on doit aimer dans les limites de la loi d'Allah et de la révélation d'Allah. Donc, on peut pas, par exemple, dire, ah, moi je suis arabe et donc j'aime tous les arabes, peu importe d'où ils viennent et peu importe qu'est-ce qu'ils croient. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Si par exemple, il y a eu ce mouvement-là qu'on appelle le nationalisme arabe, même qui dit qu'un arabe doit aimer tous les arabes, qu'ils soient chrétiens, ou qu'ils soient athées, ou qu'ils soient communistes, ou autres, peu importe yani, sa croyance, on doit le préférer par-dessus les autres qui sont des musulmans non arabes. Tu comprends? Et donc, ils passent leur amour pour leur nationalité, par-dessus leur amour pour leurs frères musulmans. Et donc, ça, c'est une contradiction dans leur foi. Parce que dans l'islam, la fraternité est basée en premier de tout sur Allah, notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi en l'islam. Donc, l'amour pour la tribu, l'amour pour le pays, l'amour pour la nationalité, l'amour pour la langue, tout ça, c'est des choses qui font partie de l'asabiyya. Le prophète s'en appelle ça à l'asabiyya. Oui, c'est ça. si c'est dans les limites de l'islam, alhamdulillah, c'est correct. Mais si ça dépasse les limites de l'islam et qu'on les passe au-dessus de ce qui est yani, permis par Allah, alors là, automatiquement, ça devient mauvais. Yani. Et comme exemple, on peut mentionner lorsqu'il y a eu, il y a eu une dispute entre les Sahaba. Il y a un Sahaba qui a fait une blague à un autre Sahabi, il a, yani, il y en a un qui était parmi les Ansar et l'autre qui était parmi les Muhajirin. Alors, étant donné qu'ils se sont mis en colère, alors celui qui faisait partie des Ansar, il a dit aux autres Ansar, « Ya les Ansar, oh les Ansar !» pour appeler les autres Ansar à l'aide. Et le Muhajiri, celui qui vient de... Le Muhajirun, c'est qui? C'est ceux qui ont émigré, c'est-à-dire qui ont quitté la Mecque et qui sont allés vivre à Médine. Et les Ansar, c'est les habitants qui original de celui qui fait les habitants d'origine de Médine. Comprends? Donc l'autre qui était Muhajiri, il a dit ya les Muhajirin, alors pour appeler les Muhajirin à sa défense. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a dit, est-ce que vous appelez à l'appel de l'ignorance alors que je suis parmi vous? Il s'est choqué parce qu'il a vu que les Sahaba ont agi de cette façon là et il a dit, laissez ça, parce que c'est quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est mauvais. فَإِنَّهَا مُنْتِنَا دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَا. Alors, il a dit, laissez tomber cette chose-là, quelque chose qui pue, quelque chose qui sent mauvais, laissez-le. Alors, même que, malgré que Al-Ansar et Al-Muhadirin, Al-Ansar ou Al-Muhadirun, c'est deux termes qui sont utilisés même dans le Coran, et que Allah subhanahu wa ta'ala glorifie dans sa révélation, hein, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عليهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc ça veut dire que cela Allah a été satisfait d'eux et Allah et eux ils sont satisfaits d'Allah. عليكم السلام ورحمة الله. Malgré cela, lorsque ces sahabas là ont utilisé ces noms là mais dans le but de faire une sorte d'animosité ou de compétition ou de dispute entre les croyants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'est quelque chose de laid, de mauvais, et donc de le laisser tomber. Donc si par exemple dans la mosquée on va dire qu'il y avait une dispute entre des frères qui sont marocains et d'autres qui sont par exemple algériens, et donc que tous les Marocains disaient « Oh les Marocains, venez m'aider !» Et là, les Algériens diraient « Oh les Algériens, venez m'aider !» Mais là, yani, ce serait quelque chose yani, à rejeter, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'Al-Jahiliya. Et ce n'est pas quelque chose qui est supporté ou encouragé par l'Islam. C'est complètement rejeté. Ou bien si quelqu'un aurait dit, parce que on va dire un musulman qui vient d'Afrique, qui est de peau noire, il dirait aux autres noirs, oh les noirs venez m'aider parce que vous êtes noirs, vous devez m'aider. Et là les blancs diraient, oh les blancs venez m'aider parce que toi ça c'est une forme de discrimination. Et tout ça, ça a été rejeté dans l'islam parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Celui qui craint le plus Allah, c'est lui qui est le meilleur. Peu importe d'où il vient, peu importe comment il est. Hein? Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Juste avant de dire ça, il a dit, on a fait de vous des peuples, des nations, pour que vous vous connaissiez les uns les autres, pour vous reconnaître entre vous. Mais pas pour vous faire des différences de discrimination, ou pour dire, nous on est meilleurs que les autres, ou eux sont, tu comprends? Donc c'est ça, il faut toujours mettre notre amour pour Allah par-dessus l'amour pour les choses autres, hein, entre nous et entre les autres musulmans. Et même si de nos jours c'est pas tellement respecté, ou même c'est pas tellement appliqué ces choses-là, mais il faut toujours rester conscient que ça, ça fait partie de l'islam. Et donc la raison pourquoi c'est pas appliqué, c'est parce qu'on néglige ces choses-là. Mais lorsqu'on s'en rappelle tout le temps, et qu'on rappelle les autres aussi, et qu'on... Yani, on se l'enseigne entre nous, Inch'Allah, c'est là qu'on va être capable réellement de le mettre en pratique, Inch'Allah. Donc, lorsqu'on a mis toutes ces choses-là par-dessus, tout qu'est-ce qu'on préfère, tout qu'est-ce qu'on aime, de passion, de désir, de bien matériel, et d'enfant, tout ça, on a mis ça par, en après qu'est-ce que Allah aime, et là, c'est un signe qu'on aime vraiment Allah. Un autre exemple, simple. Par exemple, nous tous, on aime le sommeil, on aime dormir. Mais lorsque, par exemple, c'est l'heure de la salat, alors on doit passer notre amour pour Allah par-devant notre amour pour le sommeil. Ça, c'est un exemple qui est très facile à comprendre, Inch'Allah. Wa alaykum salam, amin. Ça va, alhamdulillah. Wa minha, anna man ahabba Allah ta'ala, fa innahu yattabi'u rasulahu, sallallahu alayhi wa sallam, fima ja'a bih, fayaf'alu ma amara bihi, wa yatruku ma naha anhu. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum zunubakum. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je viens de lire? Ça signifie que celui qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala, alors il suit son messager dans ce que le messager a apporté, yani dans ce qu'il est venu avec. Yani. Et il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce que le messager a ordonné, et il laisse ce que le messager a interdit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, dans le Coran, surat Ali Imran, le verset 31-32, dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, yani suivez-moi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Et après il dit, yuhbibkum Allah, Allah va vous aimer. وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ et il va vous pardonner vos péchés. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ et Allah est le grand pardonneur et le miséricordieux. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ dit obéissez à Allah et aux messagers. Et si ils se détournent, alors Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que Allah certes n'aime pas les gens qui sont mécréants. La yuhibbu al-kafirin. Donc, yani, c'est une explication claire que, premièrement, l'obéissance d'Allah, yani, c'est obligatoire d'obéir à Allah et de suivre le messager. Et, yani, c'est une preuve qu'on aime Allah. Lorsqu'on suit le messager d'Allah, c'est une preuve qu'on aime vraiment Allah. Donc, si quelqu'un, par exemple, prétend aimer Allah, sans suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors, il a menti dans sa prétention qu'il aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah dit, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Donc, il y en a, par exemple, parmi des gens égarés maintenant de nos jours, qui disent, nous, on veut seulement suivre le Coran. Et on va seulement se baser sur qu'est-ce qui est dans le Coran. Pourquoi? Parce que selon eux, yani, ils croient que yani, la sunna, elle n'a pas été préservée comme il faut, et donc ils ont des doutes dans la sunna, et donc ils se basent uniquement sur qu'est-ce qui est dans le Coran, et ils disent nous, on ne veut pas yani, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit dans le Coran d'obéir à Allah et d'obéir à son messager. Donc on ne peut pas seulement dire on va juste obéir qu'est-ce qui est dans le Coran seulement, et on va laisser tomber les hadiths ou la sunna. Yani. Et la preuve de que quelqu'un ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans adorer le prophète, La preuve qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le Coran est seulement venu avec les règles fondamentales, les règles de base générales, sans rentrer dans les détails de chaque règle. Et c'était le devoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer aux musulmans les détails et comment les appliquer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre sur toi le zikr. Et le zikr, c'est le Coran et la sunnah. Donc il dit, on a fait descendre sur toi le zikr pour que tu puisses expliquer aux croyants ce qui leur a été révélé. Donc, on voit que ce n'était pas seulement le devoir du prophète sallam de transmettre le Coran, mais aussi d'expliquer le Coran dans ses actions, dans ses paroles aussi. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons certes fait descendre le zikr et nous sommes certes ceux qui allons le préserver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a garanti qu'il allait préserver le zikr. Et comme on a expliqué, le zikr comprend le Coran et la sunna aussi. Et yani, le Coran on sait qu'il a été préservé et la sunna authentique aussi elle a été préservée. Yani, depuis les premiers siècles, même depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont commencé à écrire les hadiths. Au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux sahaba d'écrire les hadiths parce qu'il voulait pas que les gens qui étaient nouveaux dans l'islam se mélange entre ses paroles à lui et les paroles d'Allah. Donc au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'écrire ses paroles. Mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assigné certains de ses compagnons, comme Abu Huraira et Amr ibn al-As, pour écrire ses paroles. Et plusieurs d'autres parmi les sahaba donc, avaient écrit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite aussi, ça s'est continué, cette tradition-là. Et les sahaba, entre eux, quand ils se parlaient, des fois, ils disaient, tu dois faire telle chose de cette façon. Et là, il se disait, par exemple, est-ce que tu as une preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce que tu dis? Et là, il disait, oui, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il faut faire telle chose. Ou bien, oui, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a fait telle chose devant moi. Alors, tout ça, c'est des exemples comment entre eux, les sahaba, ils se transmettaient les hadiths. Et parfois, ils allaient retourner, par exemple, à Aïcha, ou, radiallahu anha, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ils allaient retourner à un autre sahabi qui était plus savant, ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et ils allaient lui dire, j'ai entendu une autre personne parmi ces sahaba qui m'a dit telle chose, que je devais faire ça ou telle chose. Est-ce que c'est vrai? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il confirmait, ou soit il niait cette chose-là, soit. Et aussi même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chose-là est continuée aussi parmi les sahaba. Les sahaba continuaient toujours à chercher, à se référer toujours aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils n'avaient pas trouvé de référence dans le Coran. Et c'est arrivé même au temps d'Abu Bakr Siddiq, quand ils avaient une question au sujet de l'héritage de la grand-mère, je crois, et là, ils ne savaient pas est-ce qu'il y avait un verdict là-dessus dans l'islam. Alors, ils se sont réunis, ils ont dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu quelque chose sur du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la grand-mère, ou quelque chose comme ça? Alors là, les sahaba, il y en a un qui a dit, oui, moi j'ai entendu telle chose. Et puis là, après ça, Omar ibn al-Khattab lui a fait témoigner de ça. Et puis là, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les livres. Et donc, c'est juste pour vous donner une petite idée. Hein, parce qu'il y en a beaucoup de gens de nos jours, il y en a parmi les modernistes, et tout ça, ces gens-là qui font la fitna, qui essaient de mettre des doutes parmi les musulmans en ce qui concerne la sunna. Il y a le groupe qu'on appelle Ahmadiyya, qui sont des gens qui suivent seulement, qui prétendent vouloir seulement suivre le Coran. Et ils suivent un homme qui s'appelle Ghulam Ahmad, qui est mort depuis un bon bout de temps, qui était en Inde. Okay? Et lui, Ghulam Ahmad, il était au service du gouvernement anglais durant la colonisation. Ahmadiyya, oui. Ces gens-là, c'est... Non. Ces gens-là, ils ont une grosse mosquée ici au Canada. Je pense une des plus grosses mosquées. Hein, puis, ils ont beaucoup d'argent, ils ont un bon financement. En tout cas, c'est vraiment, c'est des gens, ils ont, tous les savants de l'islam dans le monde entier sont tous d'accord pour dire que ces gens-là sont pas des musulmans. Parce que, ils disent qu'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un nouveau prophète qui était Ghulam Ahmad, justement. Et Ghulam Ahmad, justement, c'est un homme qui avait prétendu, justement, être un prophète après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En premier, il a prétendu être la deuxième venue de Jésus. Il a prétendu être Jésus qui était revenu. Et, par la suite, il a prétendu même être le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on leur dit que, par exemple, il y a un hadith, il y a un verset dans le Coran qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, eh ben, eux, ils prennent ça et ils essaient d'interpréter ça comme étant un autre mot. Parce que Allah dit dans le Coran, quand il y a Mohammed ou Ahadin min rijalikum, voilà que Rasulullah wa khatam al-Nabiyyin. Eux, ils changent le mot, ils disent, au lieu de dire Khatam al-Nabiyyin, ils disent Khatim al-Nabiyyin. C'est-à-dire le sceau des prophètes, comme avec un sceau, ou une bague, mais pas Khatim, c'est-à-dire le dernier, celui qui vient terminer la prophétie. Mais ça, c'est rejeté même dans la langue arabe, ou aussi dans les tafsirs, qui ont été rapportés par les savants de l'islam à ce sujet-là. Donc, quiconque dit qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre prophète, alors il a contredit le Coran, et même ça a été rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le dernier des prophètes, et après moi, il n'y en aura jamais aucun. C'est la même chose pour la secte là des États-Unis, du National Islam, comme il s'appelle, Louis Farrakhan et les autres qui prétendent que Elijah Muhammad était un prophète envoyé par Dieu aux Noirs en Amérique. Les autres aussi sont considérés comme en dehors de l'islam. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Louis Farrakhan. On les voit. Ouais, on les voit dans les sorties de métro, ils vendent un journal. Et puis, ouais, Mohammed Singh. Vous pouvez voir même à la dernière page de leur, ils disent à la dernière page, we believe that Prophet Muhammad was God and was came down in the, we believe that Allah came in the person of Prophet Muhammad in Detroit, Michigan. Quelque chose comme ça. Ils croient que Dieu est venu dans la personne d'un homme qui s'appelle Prophet Muhammad. Et ils croient que cet homme-là était l'incarnation de Dieu et que cet homme-là a enseigné à Elijah Muhammad les enseignements de l'islam, et que donc, à cause de ça, il est devenu le messager, le prophète pour les Noirs en Amérique. Il y a c'est vrai. Il est allé dans, par exemple, il est allé en Arabie Saoudite, il est allé en Syrie. Farrakhan voyage dans beaucoup de pays musulmans pour ramasser des fonds, pour essayer de se créer des liens, des choses comme ça. Il y a certains qui sont pas athées, qui vivent en tant que musulmans, mais certains qui l'invitent. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup d'ailleurs musulmans, il y en a des pays musulmans qui l'invitent comme ça, parce qu'ils savent que c'est un homme aux États-Unis qui a une influence sur un grand nombre de Noirs américains, et ils espèrent toujours qu'ils pourraient revenir à l'islam en allant là-bas. Donc, c'est comme s'ils agissent avec lui, avec un espoir que peut-être que Allah va le guider, et des choses comme ça. Et il y en a d'autres, par contre, qui ont déjà eux aussi des bid'ahs ou des idées qui sont contraires à l'islam, et qui les visitent, et donc, par exemple, j'ai lu dans un site internet d'une école soufie en Syrie que le mufti d'une école ou le mufti de la Syrie l'avait invité, l'avait rencontré, etc. Et ça. Donc, de ces gens-là, c'est pas surprenant parce que déjà, c'est des gens qui ont des bid'ahs et des idées qui sont déviées en partant. Sauf que, aussi, une autre chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que peut-être que parmi ces musulmans-là qui les invitent, qui ignorent la réalité de ces enseignements. Tu comprends? Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que cet homme-là enseigne aux gens. Alors, à cause de ça, ils se font trompée par lui, parce qu'elle est très rusée. Il sait comment utiliser les sentiments des musulmans pour se sentir rapproché à eux, etc., etc., et puis pour leur faire croire qu'il est musulman. Il essaie de l'hypocrisie, parce que lui-même, il considère qu'il est au-dessus des autres musulmans, et que lui, il connaît mieux l'islam que tout le reste de la Oumma. Et si tu rencontres certains d'entre eux, et tu leur dis que tu es un musulman sunni, que tu suis la sunna et tout, tu vas voir comment ils vont discuter. Ils sont des gens déviés totalement. Souvent même parmi même si tu discutes avec certains d'entre eux, tu leur parles et eux ils disent ah même vos savants là dans vos pays, il y en a qui ont parlé et qui ont dit que oui, qu'est-ce qu'on fait, c'est correct et qu'on est musulman. Mais et allez, juste pour vous donner deux points qui sont fondamentaux et qui sont suffisants pour montrer que ces gens-là sont en dehors de l'islam, c'est que premièrement ils disent que Dieu est venu sur la terre dans un homme, dans un être humain, qu'ils appellent Fard Muhammad. Celui qui croit à ça, il est kafir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourquoi nous on dit que les chrétiens sont des mouchriquins ou des kuffars quand ils disent que Isa c'est Allah, hein? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله يزيد على القرآن. Donc moi je leur ai dit ça une fois, je leur ai dit comment ça se fait que vous lisez le Coran et que c'est écrit dans le Coran que celui qui dit que Jésus est Allah il est kafir, et vous dites que Fard Muhammad est Allah, c'est quoi la différence? Et là il essaie de dire oui il y a une différence, mais en fait il n'y a pas de différence. Donc ils essaient d'argumenter, mais ils argumentent dans le faux. Et même que le pire, c'est qu'ils ont écrit des livres pour discuter avec les chrétiens, pour les convaincre que Jésus c'est pas le fils de Dieu ou Dieu. Et eux-mêmes ils disent que Fard Muhammad c'est Dieu. C'est complètement absurde. Et ils disent que, en fait, même parmi eux, il y en a qui s'appellent Allah entre eux. Parce qu'il y a un groupe d'entre eux qui s'appelle 5%ers. C'est-à-dire les 5 qui sont seulement 5% de, ils se croient comme étant les 5% de la nation de l'islam. Et ceux-là sont encore plus égarés. Pour eux, tout est, ils croient qu'ils sont tous Allah. Ils sont tous des incarnations d'Allah. Et donc, entre eux, quand ils se parlent, ils se disent, peace God, hein, ça peut être Dieu entre eux. Hein, Allah, et ça, c'est Dieu. Arm, head. Oui, ils traduisent le nom d'Allah en anglais. Comme ils disent que ça veut dire arm, leg, arm, head. Et ça fait comme bras, jambes, bras, tête. Ça fait aucun sens. Premièrement, c'est même pas un mot anglais. Et deuxièmement, ça fait aucun sens. Qu'est-ce que ça peut signifier? Donc ça, c'est des exemples de Dajjal. J'ai la yannibé Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, après moi, il y aura, je pense qu'il a dit 30 Dajjal. Et chacun d'entre eux, ils vont prétendre être un messager, un prophète d'Allah. Et il a dit, mais il n'y a aucun prophète après moi, je suis le dernier des messagers. Donc ça, c'est une chose qui est importante à connaître et à comprendre, pour éviter de tomber dans l'égarement de ces gens-là. Et tout ça, j'avais mentionné pour faire comprendre que c'est obligatoire de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, al rasoula faqad ata' Allah. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Donc c'est pas de dire je vais seulement obéir à quelque chose si c'est écrit, je vais seulement faire quelque chose si c'est écrit dans le Coran, et si c'est écrit dans la Sunna, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent ça. Parce que pourquoi ils mélangent entre les termes? Par exemple, il y a différentes significations selon la branche de science islamique. Pour vous donner un exemple, si vous parlez avec des gens qui sont des fuqaha, c'est-à-dire des gens qui expliquent les règles de fiqh, comment faire le hajj, comment faire le zakat, comment faire le salat et tout ça. Eux, ils ont leur langage à eux. Quand ils disent le mot sunnah, des fois, ils veulent seulement dire qu'est-ce qui est recommandé. Pour eux, ça veut dire ça. Mais ça, c'est uniquement dans le langage des fuqaha. D'accord? Mais quand on parle du langage des muhaddithin, les savants du hadith, pour eux, quand ils disent le mot sunnah, ça veut dire plus que ça. Le mot sunnah pour les muhaddithin, les savants de hadith, ça veut dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions qui ont été rapportées et les choses qu'il a approuvées par son silence lorsque les choses ont été faites en sa présence et qu'il a approuvé ces choses-là par son silence. Mais il n'a pas critiqué cette chose-là, donc automatiquement ça fait partie de sa sunnah. Et ça, dans cette sunnah-là, il y a, comme dans le Coran, des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont recommandées. Vous comprenez? Donc c'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait qui sont automatiquement pas obligatoires. Non, il y a des choses, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait qui sont obligatoires ou haram, et il y a des choses aussi qui sont yani recommandées seulement. Comment on peut distinguer? Yani, ça c'est dans les livres de Usul. Quand tu vas lire les livres de Usul au fiqh, les ulama ils ont expliqué différentes façons de distinguer entre ce qui est haram. Parce que même dans le Coran, il y a des choses qui ne sont pas wajibas. Il y a des ordres dans le Coran, des fois c'est seulement l'istihbab, yani, tu comprends? Par exemple, pour te donner un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. À propos des femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, il a dit de ne pas les approcher. Mais il dit, lorsqu'elles se sont purifiées, alors approchez-les de la façon que Allah vous a ordonné. Mais ça, quand il dit approchez-les, est-ce que ça veut dire automatiquement c'est un homme qui doit aller avoir des rapports sexuels avec sa femme? Non. Il y a dit que seulement, il y a dit tu as le droit de le faire. Mais tout ça, c'est déterminé comment? C'est déterminé par le terme, le vocabulaire qui est utilisé, la forme qui est utilisée, et aussi par les autres preuves qui sont rattachées à ce sujet. Tu comprends? Par exemple, en général, la règle de base, c'est quoi? C'est que al-amru lil-wujub. C'est-à-dire, le verbe impératif implique une obligation. Tu comprends? Et, quand quelque chose est impératif, mais que c'est une interdiction, donc ça implique que c'est haram. Et la seule chose qui peut venir faire changer ça, c'est s'il y a une preuve autre sur le sujet qui vient faire descendre la chose du niveau de l'obligation au niveau de recommandation. C'est-à-dire, on va dire, il y a un hadith, il y a un ayah ou quelque chose qui dit, vous devez faire ça. Et il y en a un autre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yani, si vous faites ça, c'est mieux, mais si vous faites pas, c'est pas grave. Yani, dans ce cas-là, on voit que ça vient de ce niveau-là et ça tombe au niveau de mustahab seulement. Ok? Il y a un exemple des ulama qui mentionne, par exemple, oui, il y a des exemples comme ça. Dans les deux rakats. Qui veut le faire, si vous voulez le faire, vous le faites, sinon vous le faites pas. Il y a l'exemple. « Anhu fashtanibu, wa ma amartukum bihi, fa'tuminhu ma stata'atum. » Le prophète rationnel dit, ce que je vous ai interdit, alors écartez-vous ça, laissez-le tomber. Et ce que je vous ai ordonné, alors faites-en ce que vous en êtes capable. Ça, c'est un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui explique qu'on doit le suivre. Mais on aura d'autres occasions de rentrer dans ce sujet-là plus en détail et même d'expliquer les doutes de certaines personnes qui essaient de mettre des doutes dans la sunna pour éloigner les gens de la sunna. Et puis on va être capable de voir c'est quoi leur méthode et de voir comment on peut répondre à ces doutes-là et comment on peut comprendre que cette méthode-là elle est une méthode qui contraire à la voie des savants de l'islam. Ensuite le cheikh il dit parmi les salafs, c'est-à-dire parmi les premiers prédécesseurs, les premiers musulmans, il y en a qui ont prétendu, il y a un groupe de personnes qui avaient prétendu aimer Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux le verset de l'amour, ayatul muhabba. Et c'est lequel? C'est celui qu'on a mentionné. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Donc Allah, quand ces gens-là ont prétendu et ils ont dit nous on aime Allah, alors Allah a fait descendre ce verset-là. Ok? Si vous aimez, dites au Muhammad, aux gens, si vous aimez vraiment Allah, alors obéissez-moi et Allah va vous aimer. Alors il dit, le cheikh, dans ce verset-là, il y a une clarification, une preuve que l'amour d'Allah, dans ce verset, il y a l'explication que la preuve de notre amour pour Allah est son fruit, c'est-à-dire les fruits de cet amour et l'utilité de cet amour-là, elle vient par nos actions. C'est-à-dire, la preuve qu'on aime Allah et le signe de, qu'on aime Allah, c'est qu'on va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et, le profit de cette croyance-là et son fruit, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. Mailu mahabbatillahi lil'abdi wa maghfiratihi lidhunubi. Et que Allah va lui pardonner ses péchés. D'accord? Donc, par exemple, si quelqu'un, par exemple, dit, moi j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais, par exemple, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, u'afu anil-liha wa qasfu shawarib. Il a dit, coupez les moustaches et laissez pousser les bas. D'accord? Donc, ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru lil-wujub. L'ordre implique, l'impératif implique l'obligation. D'accord? Donc, ça c'est un hadith. Il y a d'autres hadiths. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afu anil-liha wa qasfu shawarib khalifu al-majus. Il a dit, laissez pousser vos barbes et coupez vos moustaches. Faites, distinguez-vous des majus. Et al-majus, c'est un peuple qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pousser leurs moustaches et ils coupent, ils rasent leurs barbes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de faire le contraire. Hein? Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, subhanallah, parmi les musulmans, ils font exactement ça. Ils se rasent la barbe et ils se laissent pousser une grosse moustache. Subhanallah, parmi les dirigeants même, vous allez voir ça. Même on peut penser à l'autre qui s'appelle, comment il s'appelle donc? Celui qui est tombé. Oui, il y a Amr Khalid, qui est populaire en ce moment, qui a une grosse moustache et une petite barbe. C'est un Égyptien qui fait des cours sur les satellites, télévision satellite. C'est pas un savant de l'islam, sauf que c'est une personne qui parle de l'islam comme ça. Et puis, il a gagné une grande popularité parmi les masses parce qu'il parle dans la langue arabe dialectale, la langue de la rue. Alors, étant donné que ça fait plaisir à beaucoup de monde quand ils font ça, surtout les Égyptiens, ils ont un accent spécial parmi les Arabes. Alors ça les fait rire et puis ça les anime, ils aiment ça après, d'accord? Non. Donc, moi j'aime pas tellement Amr Khalid pour dire la vérité, et c'est pour ça moi je dis toujours aux musulmans, écoutez les ulamas, les savants de l'islam. Si vous êtes capable de comprendre la langue arabe, écoutez les savants, laissez tomber ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils peuvent rien vous rajouter de ce que les savants enseignent, et eux-mêmes, ils ont besoin d'apprendre l'islam avant de parler. Celui qui a une connaissance des savants, il le transmet, alhamdulillah. Mais la façon qu'on peut distinguer les gens qui sont sur la sunna et les gens qui ne sont pas sur la sunna, c'est la première chose à regarder, est-ce qu'ils donnent une importance à la croyance islamique, le tawhid, le manhaj, c'est-à-dire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'éloigner des innovations et des bid'ahs, et de tous choses qui sont contraires à la sunna. Si vous voyez que quelqu'un, insiste là-dessus et concentre son da'wah sur ça, puisque c'est la base de l'islam, et c'est ça le plus important dans l'islam, si vous voyez quelqu'un qui insiste là-dessus et qui donne de l'importance à ça, vous allez tout de suite savoir que c'est une personne qui, va suivre la sunna. Et si vous voyez quelqu'un, il fait juste parler, des heures et des heures sans jamais parler de quoi que ce soit qui a rapport avec l'aqida, sans jamais mentionner quoi que ce soit en ce qui concerne les déviations ou les débats de certaines personnes, et qui ne clarifie pas ça aux musulmans, alors qu'il a la possibilité et la capacité de le faire, et l'opportunité de le faire. Et alors, on voit que ce n'est pas quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'importance de suivre le prophète, mais de suivre sa sunna. D'accord ? Donc c'est juste un petit rappel, dans le but de nous faire comprendre un petit peu comment on est capable de savoir, de distinguer de qui on doit prendre notre religion. Parce que Muhammad ibn Sirin, un parmi les tabi'in, c'est ceux qui ont étudié avec les sahaba, après la mort du prophète. Ibn Sirin, c'était un des grands, parmi les grands savants, parmi les élèves des sahaba. Il disait, « Inna haza l'ilm din, fal yanzur ayyukum min ayna ta'khuduna dinakum. » Il a dit, ce ilm qu'on étudie, cette science qu'on étudie, c'est la religion. Alors, prenez garde de qui vous prenez votre religion. Prenez garde de qui vous prenez votre religion. On n'apprend pas, on ne doit pas prendre notre religion de n'importe qui. On doit uniquement prendre notre religion de ceux qui l'appliquent et de ceux à qui on fait confiance dans cette religion-là. C'est-à-dire, on voit de lui qu'il fait un effort, il essaie de connaître Allah, et il craint Allah et tout ça. Bien sûr, ici au Canada, c'est sûr qu'on est limité, il n'y a pas de savants de l'islam. Donc, chacun, il fait son effort selon sa capacité. Soit par les livres, soit par les cassettes des savants de l'islam, et des choses comme ça, dans la mosquée, avec les imams, avec les frères qui ont un peu d'ilm, essayer de s'avancer dans la science. Mais tout ça, c'est toujours selon la capacité. Mais si vous êtes capable d'aller dans un pays musulman, d'apprendre l'arabe, d'étudier avec les savants de l'islam, et de vous avancer, ou d'aller dans une université où on enseigne l'arabe et l'islam, et qu'on enseigne cette voie, cette aqida qu'on est en train d'étudier maintenant, alors, alhamdoulilah, vous allez être bien guidé. Donc, on a vu l'importance et le signe de quelqu'un qui aime Allah, c'est ça. Qu'il obéit à Allah. Je vous ai donné l'exemple de la barbe, juste comme un exemple, parce que j'aurais pu donner n'importe quel autre exemple. Mais étant donné que un des grands problèmes des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils se rasent là-bas, et qu'ils imitent le kuffar. Alors, ils ressemblent à George Bush, et à Bill Clinton, et à tous les autres qui se rasent là-bas à la télévision. Donc, j'ai voulu mentionner ça pour nous faire comprendre que nous, on doit détester ça, cette manbar, cette apparence-là. Et puis on doit essayer d'aimer le prophète et d'aimer les sahaba qui avaient tous la plupart qui se laissaient pousser leur barbe. Bien entendu, celui qui sa barbe ne pousse pas du tout, c'est pas sa faute. C'est ça. Celui-là, c'est pas sa faute. C'est Allah qui lui a pas de barbe, qui lui a destiné qu'il n'a pas de barbe. Donc lui, la nalum, inshallah. Mais celui qui est capable de la laisser, il doit la laisser. Par obéissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Allah. Bien entendu. Après, le cheikh il dit, « وَمِنْ عَلَامَاتِ صِدْقِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لِلَّهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم المائدة. Ça c'est dans sourate Al-Ma'ida, le verset 54. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset les signes de la sincérité dans l'amour du serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh, vous qui avez cru, celui d'entre vous qui quitte sa religion, c'est-à-dire qui sort de sa religion, qui quitte l'islam, alors Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir un autre peuple qui l'aime et que lui, que lui aime et qu'il l'aime. Un peuple qui aime Allah et que Allah aime. C'est-à-dire, Allah veut dire en réalité, si vous voulez quitter l'islam, si vous voulez sortir de la foi en Allah, et suivre vos passions et vos désirs et tomber dans le kufr et le shirk et toutes les autres formes d'égarement. Alors, faites-le moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire, yani, j'ai pas besoin de vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous vous partez, je vais avoir d'autres que vous qui vont venir et qui vont m'obéir et qui vont m'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leurs caractéristiques et leurs descriptions de ces gens-là qu'il va faire venir. Et voici comment il le décrit. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Et ce peuple-là, Allah ils aiment Allah et Allah les aime. Hein? Et pourquoi Allah les aime et pourquoi, yani, pourquoi Allah les aime? Voici pourquoi il donne les descriptions. أذلة على المؤمنين. Ils sont humbles devant les croyants. أعزة على الكافرين. Et ils sont puissants et fiers devant les non-croyants. يجاهدون في سبيل الله للكومبات dans le chemin d'Allah ولا يخافون لومة لائم et ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne craignent le blâme dans ça, dans la religion d'Allah, ils ne craignent le blâme de personne dans la religion d'Allah. Et le cheikh il dit فذكر في هذه الآية الكريمة لمحبة الله أربع علامات. العلامة الأولى أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يشفقون عليهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم. وقال عطاء رحمه الله يكونون للمؤمنين كالوالد لولده. Le premier signe, il y a quatre signes dans ce verset-là qui sont mentionnés. Quatre signes qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, le cheikh il dit, le premier signe, c'est que ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être humbles envers les croyants. C'est-à-dire que ils vont être yani, affectueux envers eux. Et ils vont être miséricordieux. Et ils vont être, yani, ils vont être doux envers les croyants. Et Atta, yani, Atta qui était un des premiers parmi les salaf, yani, les premiers musulmans, parmi, je pense, les tabi'in, ou bien peut-être les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba, ils disaient, pour interpréter cette partie du verset, ils disent, les croyants sont les uns envers les autres, comme un père pour envers son fils. Donc ça, c'est la façon dont il a expliqué, azillatun ala al-mu'minin. C'est-à-dire, ils ont une affection entre eux. Ils sont comme un père pour son fils. Et le père pour son fils, yani, c'est il y a une sorte d'affection entre le père pour son enfant, yani. Le deuxième signe, العلامة الثانية أنهم يكونون أعزة على الكافرين أي يظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف. Le cheikh il dit, le deuxième signe, c'est qu'ils sont fiers et puissants envers les non-croyants, les non-musulmans, les kuffars. Et ils leur montrent une dureté. Et ils se montrent haut devant eux. Ils ne se rabaissent pas devant eux. Ils ne s'humilient pas devant eux. Ils ne leur montrent pas une humilité et ils ne leur montrent pas non plus une faiblesse. Ils sont fermes. Et en même temps, bien entendu, ils sont quand même gentils, c'est-à-dire ils ne vont pas être injustes envers eux, ou leur faire du mal, ou les insulter, ou des choses comme ça. Sauf qu'ils ne vont pas agir envers les non-musulmans de la même façon qu'ils agissent envers les croyants. Tu vois? Alors, le croyant, il doit montrer de l'affection, de l'humilité envers son frère. Et quand le musulman est humble envers son frère, ce n'est pas parce qu'il s'humilie à son frère, c'est parce que il le fait pour Allah. Et donc cette humilité-là du musulman pour le croyant, pour l'autre musulman, c'est pas une faiblesse qu'il démontre envers son frère. Parce que beaucoup de musulmans comme ça, ils pensent que, ah non, il faut pas que je montre à mon frère musulman que je suis trop doux, trop humble, parce qu'il va penser que je suis faible. Non, parce que ça c'est entre nous les croyants, on fait ça pour Allah. Et celui qui s'humilie pour son frère, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Hein? Mais celui qui se pense fier envers ses frères musulmans et qui s'élève devant ses frères musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala leur abaisse. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre l'unité, qu'est-ce qu'il fait dans l'islam envers les croyants, c'est pas la même chose. En ce qui concerne les coupards, c'est le contraire. On doit être fier avec eux, et fier d'être musulman, et pour l'islam. Pas fierté personnelle, parce que, yani, on est fort, on est beau, ou quelque chose comme ça, pour dire je suis meilleur que toi, parce que j'ai plus d'argent, ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose de matériel, ou qui a rapport avec, dunya. Comme les coupards, eux, sont envers les gens, les uns envers les autres. Quand un kafir a une belle voiture, il a de la richesse, une belle maison, il se lève la tête, il regarde les autres comme des gens inférieurs. Ça, c'est les kuffars, comment ils agissent envers les gens. Mais quand nous on dit fier envers les non-musulmans, ça ne veut pas dire fier parce que, yani, on a des choses, on a des biens matériels ou choses comme ça. Non. Ça veut dire que même si tu es pauvre, même si tu n'as pas d'argent, tu gardes toujours ta fierté. Pourquoi? Parce que tu es musulman. Et qu'est-ce qui te donne cette fierté-là, cette force-là de caractère? C'est ta foi en Allah et le fait que tu suis sa religion. Donc, tu ne te sens pas humilié ou rabaissé devant les ennemis d'Allah, peu importe ton niveau. Et pour voir cet exemple, on peut voir l'exemple de Rib'i, je crois qu'il s'appelle Rib'i, son autre nom j'ai oublié, mais lorsqu'il est allé voir Rustum en Perse, c'est lorsque les musulmans ont conquéré la Perse. Au tout début, yani. Alors, je pense que le chef de l'armée, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a envoyé Rib'i, qui est un musulman, sahabi, ordinaire. Et puis, il l'a envoyé voir Rustum, le vice-gérant des Perses. Et il est allé les voir, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? En fait, il est rentré dans le palais, dans son palais. Alors, Rustum, il a dit, bon, nous, on va le, c'est un bédouin, il sort du désert, il tue le chameau, allez, on va l'éblouir avec notre richesse et notre luxure. Alors, ils ont mis des beaux tapis, et puis il y avait tous les gardes et tout. Alors, ils voulaient l'impressionner avec leur richesse et tout. Alors, Rib'i, il rentre avec son âme, dans le palais, il descend avec sa lance et il pique sa lance dans le tapis, hein, il fait du trou avec en même temps. Et là, il arrive devant, le Rustum. Et yani, ils disent, pourquoi tu gardes tes armes, laisse tes armes avec nos soldats. Il a dit, c'est pas moi qui a voulu venir, c'est vous qui m'avez appelé. Alors, il a dit, je garde mes armes, et sinon je m'en vais. Alors, ils ont dit, ok, garde tes armes. Après, ils ont dit, écoute, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez du désert, allez, vous avez rien, tout d'un coup, vous voulez sortir, et puis vous voulez nous combattre de cette façon. Alors, Rostom, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est là que Rib'i, il a dit, nous, on vient, amis, pour appeler les gens de l'adoration des hommes par les hommes pour appeler les gens à adorer Allah, pour les libérer de l'adoration de l'homme par l'homme, pour les appeler à adorer, d'adorer que l'homme adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala, et pour les amener de l'étroitesse de cette dunya, c'est-à-dire l'étroitesse de cette vie d'ici-bas, vers la largesse de l'au-delà, hein, et min zulm al-adyan, on les appelle de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Alors là, on voit dans cet exemple la fierté de Rib'i. Malgré que, il est un musulman avec des vêtements, ses vêtements sont sales, il sort du désert. Il a passé des mois, des jours à voyager sur son chameau, hein, malgré tout, il est devant ces gens-là qui ont des vêtements vraiment sophistiqué et des beaux palais et tout ça. Non, tout ça, ça ne veut rien dire pour Rib'i. Yani, il a gardé sa izza, peu importe son niveau ou peu importe quoi que ce soit. Yani. C'est pour ça que ici le musulman, peu importe son niveau social, sa richesse, même s'il est pauvre ou quoi que ce soit, il ne doit jamais baisser la tête, il ne doit jamais se sentir inférieur devant celui qui ne croit pas à Allah ou celui qui n'est pas musulman. toujours il garde sa fierté vis-à-vis eux. Après, le troisième point, يعني العلامة الثالثة, أنهم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعزاز دين الله وقمع أعدائه بكل وسيلة. Le troisième signe que Allah décrit par rapport à ces croyants-là, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils luttent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font le djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs mains, avec leur personne, c'est-à-dire par eux-mêmes. Ils font le djihad avec leur corps, avec leurs mains et avec leur argent et avec leur langue. Et tout ça, c'est dans le but de quoi? C'est dans le but d'élever et de renforcer la religion d'Allah pour qu'elle garde son honneur et sa fierté, hein, et pour aussi écraser les ennemis d'Allah par tous les moyens possibles. Al-alamatu rabi'a, le quatrième signe que le cheikh mentionne à propos de ces versets-là, c'est que à propos des croyants qui sont décrits, le signe de, que c'est des gens qui aiment Allah, c'est que أنهم لا تأخذهم في الله لوم سلائم فلا يؤثر فيهم ازدراء الناس لهم ولومهم إياهم على ما يبذلون من أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق لقناعتهم بالصحة ما هم عليه وقوة إيمانهم ويقينهم بكل محب فكل محب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب على الحقيقة. Donc le cheikh il explique et il dit, les vrais croyants, les gens là qui aiment vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucune peur de se faire blâmer dans ce qui a rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Peu importe qu'est-ce que les gens vont penser d'eux, s'ils obéissent à Allah, s'ils appliquent l'islam, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, les critiques des gens. Donc, on va arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu Akbar. Oui, oui. Après l'azan, inshallah.